Chapitre 22. Dans la tempête. Après une période fort tourmentée, durant laquelle on n'avait presque pas pu pêcher, une forte accalmie s'étant produite et un passage considérable de sardines étant signalé depuis la veille au large des tas de pois, tous ceux de Camaret, jeunes ou vieux, faibles et forts, même les plus prudents qui consultaient 10 fois le baromètre et la couleur du ciel avant de hisser la voile et de dépasser le phare, étaient partis de nuit dans la joie de quelques bons coups de filet à donner sans presque dépenser de rogue. Le chômage avait été cette fois si prolongé qu'il avait rendu enragés et téméraires les marins les plus sages et les plus avisés. Par suite, jamais le port n'avait été plus dégarni d'hommes que ce jour-là, aux premières heures, lorsqu'un lever de soleil livide, une grosse poussée de petits nuages noirs, lancés en éclaireurs, passant bas à frôler les bruyères du Grand Gouin et les immortels sauvages environnant le sémaphore de Penhat, firent augurer aux friturières matinales, dont les sabots commençaient à claqueter sur les dalles du quai, qu'un mauvais coup de vent tombait sur le pays. Déjà quelques femmes de pêcheurs, apercevant la barre d'écume roulant à la base du Grand Gouin et les moutons hérissant toute l'étendue comprise entre Camaret et la côte du Léon, s'agitaient, allant et venant devant les maisons, prises d'inquiétude pour les leurs qui se trouvaient à cette heure, tous en mer. La Périnaïgue, la marchande de rogue, toujours une des premières debout, donna l'éveil aux angoisses par une phrase colère qu'elle jeta après avoir examiné le ciel et l'océan bougonnant. « Encore de la misère pour nos hommes, bien sûr !»« Comme si on n'en avait pas suffisance de cette misère !» riposta la veuve Pénéguez, qui était en train d'ouvrir les volets de sa petite boutique en plein centre du quai. La misère, pour ces gens rudes et simples, si durs au mal, ce seul mot enferme tout, explique tout, répond à tout par le sentiment de la grande lutte continuelle contre les éléments, de la grande souffrance physique, du pénible excessif de leur perpétuelle existence de péril, de combat. La misère, toujours avoir à combattre la mer, à supporter tous ses caprices, ses calmes, ses fureurs. Elle chasse le poisson, puis le ramène comme un leurre, pour le remporter immédiatement. Elle déchire les filets, engloutit les barques, noie les hommes. C'est la misère. Le mot courut, se propagea, gronda lamentablement d'un bout à l'autre du quai, glissa dans les ruelles. La misère. D'autres femmes s'arrêtaient autour de Louise Pénéguez et de la Périnaïgue, apportant chacune un mot, une phrase. Chez toutes se trouvait le même serrement au cœur, le même regret tardif. Tout de même, il eût mieux valu attendre encore, le temps n'était déjà pas trop beau cette nuit. En effet, quelques grondements symptomatiques avaient ronflé dans les cheminées, quelques claquements de volets, quelques battements de fenêtres eussent dû donner à réfléchir, indiquer qu'il se préparait quelque chose de mauvais dans le grand mystère de l'Atlantique. Mais aux rares objections prudemment faites par quelques ménagères craintives, les hommes avaient riposté. « On ne peut pourtant pas laisser passer la sardine à sa barbe devant chez nous, quoi, pour l'avoir ramassée à plein filet par ceux de Douarnenez ?» Cela avait suffi pour étouffer les plaintes et les observations. Maintenant, elles se repentaient, prises de frayeur, s'interrogeant les unes les autres d'un regard qui n'appuyait pas, de peur de voir la terreur tapie au fond du regard rencontré. Et elles n'osaient pas prononcer ces mots terribles qui, pour elles, sont les évocateurs du malheur. C'est à peine si l'une risquait. Un peu lourde qu'elle est, la mer, pour pécher. Pas une n'articulait sa secrète, sa dévorante pensée. Le naufrage. Pour toute la croyance était que de formuler tout haut une telle supposition suffirait pour provoquer la catastrophe redoutée. Rapidement le ciel se couvrait, le jour semblant s'éteindre avant de naître. et elle restait là, presque immobile, pétrifiée dans l'attente de quelque chose d'irrémédiable qui devait fatalement arriver quand la femme du gardien du sémaphore des poids, descendue à Camaret pour faire ses provisions, annonça souriante, dans la joie d'une bonne et rassurante nouvelle à donner, « Ils sont tous à l'abri dans l'anse de Verrières, tous en sûreté. Le coup de vent n'est pas pour eux. » Ce fut un soulagement si brusque, si instantané, que les causeries, un moment refoulées, étouffées au fond des gosiers, reprirent, s'envolant comme une bande d'oiseaux soudain mis en liberté. Elles commençaient à peine à se rassurer que, du côté de l'ouest, un coup de canon éclata, faisant retourner toutes les têtes dans la direction des hauteurs de Penhat. L'une des bonnes de l'hôtel de la marine, en ce moment par hasard sur la crête de la petite falaise de Beg Argal, qui domine le port, ayant tourné les yeux vers le sémaphore, jeta d'un cri cette annonce de deuil. « Jésus ! Le pavillon noir !» Presque aussitôt, un second coup de canon retentit, appuyant et terminant la manœuvre d'alarme. Parmi celles qui se trouvaient là, aucune qui n'en comprit la sinistre signification, et ce fut un cœur de lamentation subite, succédant sans transition à l'allégresse précédemment soulevée. « Jésus m'a doué, le malheur qui est arrivé !» s'exclama Louise Pénéguez, plus prompte que ses compagnes aux mots de douleur, dans l'accoutumance de sa vie en deuil et toujours disposée aux grandes tristesses. La Périnaïque grommela. « Ah bien, en voilà une affaire, le pavillon des naufrages !» La femme du sémaphoriste, pour combattre l'affolement, expliquait. « Possible qu'il y ait un malheur, mais pas pour ceux de Camaret que je pense, puisque tous sont en sûreté à l'ancre du Verrières, je les ai vus. » Louise Pénéguez insistait. « Et Corentin Garec, le patron du bateau de sauvetage, et les deux équipes qui sont en mer, comment fera-t-on ? » Le signal flottant toujours au mât du sémaphore, le tumulte des voix grossissait, ne permettant plus de distinguer nettement que ces mots qui dominaient toutes les phrases. « Bateau en perdition ». En effet, une barque était signalée en péril du côté du Toulinguet, près du Guet, l'énorme rocher taillé en château fort qui fait face à la plage de Penhat et qu'on appelle indifféremment aussi le Toulinguet ou encore, à cause de sa forme, le Lion. Déjà le commissaire de la marine prévenu faisait donner l'ordre de mettre à l'eau le bateau de sauvetage. Un cri s'éleva du groupe des femmes. « Il n'y a plus d'hommes !» La porte de l'hôtel de la marine venait de s'ouvrir. Tante Rosalie s'avança, questionna autour d'elle. À peine informée, elle s'écria. « Qu'est-ce qui ose désespérer ici parce qu'il n'y a pas d'hommes au port à cette heure ?» Une belle flamme d'énergie luisait dans ses yeux et, la voix mâle, le geste autoritaire, elle décida. « Les mères, les femmes, les sœurs et les filles de nos marins sont là pour les remplacer, pour aller au plus pressé, qui est de sortir le canot. Allons, mes filles, c'est nous qui mettrons le bateau de sauvetage à l'eau !» Des acclamations accueillirent la généreuse allocution de la doyenne de Camaret qui, se mettant à la tête des camarétoises, se dirigea vers la maisonnette renfermant l'embarcation, pendant qu'une vigoureuse friturière, dépêchée en avant, faisait marcher le soufflet de la trompe d'alarme qui jeta ses rauques et puissants mugissements à travers le pays. Pendant ce temps-là, la porte du petit édifice ouverte, le lourd chariot commençait à s'ébranler, mis en mouvement par les femmes attelées au cordage, poussant les roues, allant dur, avec un tel courage, un entrain si communicatif, une si noble émulation, que lorsque les premiers hommes venus des villages avoisinants, Kermer, Kerhoz, Lagatiar, arrivèrent au pas de course, le bateau flottait déjà, mis à l'eau avec le seul concours, par l'unique vaillance des femmes. Tante Rosalie, qui, malgré son grand âge, avait tenu à aller la première sur le cordage pour donner l'exemple, put leur dire fièrement « À votre tour maintenant, mes enfants !» Ce fut à cet instant que, débouchant du quai, après avoir traversé le nautique et le stivelle, l'abbé Kerbiriou, toujours suivi de Nedelec Gualen, d'une vigueur encore extraordinaire pour un vieillard, atteignit le groupe des femmes et les premiers hommes réunis autour du bateau. Ceux qui se trouvaient là, accourus au hasard d'un peu partout, avaient tous été autrefois plus ou moins marins ou pêcheurs. Au besoin, ils pouvaient encore manier l'aviron et servir de nageurs suffisamment vigoureux pour manœuvrer le bateau de sauvetage. Mais aucun n'était capable d'en prendre la direction. Si Balanec, Hervé Morvan ou même Mahadour avaient été là, c'étaient des patrons tout indiqués. Par malheur, ce dernier était à Crozon pour une affaire de bestiaux, et les deux autres se trouvaient depuis la veille à Brest, où le mareyeur aménageait de nouveaux viviers pour ses langoustes et ses homards. Il y eut un moment d'indécision quand les 10 hommes reconnus pour les plus aptes, les plus solides et les plus jeunes, ayant attaché autour de leurs reins la ceinture de liège et saisi chacun un aviron, se furent installés sur les bancs du bateau. L'abbé Pierre Kerbiriou déclara « Mes enfants, je vais avec vous, je veux avoir ma part de péril, mais il vous faut un patron, car je ne saurais vous diriger. Qui de vous peut se charger de tenir la barre et de donner des ordres ?» Ils se regardèrent, hésitant, secouant la tête, après s'être un moment consultés des yeux. Assurément, nul d'entre eux n'oserait assumer une pareille responsabilité. Du milieu de la foule entassée à terre sur les galets, une voix lança « Moi, si vous voulez !» Le recteur se retourna et, reconnaissant celui qui venait de parler, demanda stupéfait « Toi, Nedelec Gualen, tu connais donc la manœuvre? Tu n'as pas servi ?» Le vieillard eut un fin sourire tranquille. « Que si, monsieur le recteur, j'ai été marin dans mon jeune temps. » « Marin pas maladroit même, et je crois n'avoir pas trop oublié que je pense. » Quelques voix murmurèrent craintivement. « Le reboutou !» Une hésitation faisait remuer les têtes comme sous une forte houle. Des femmes chuchotaient, échangeant leurs opinions. Les hommes sur le bateau, sans toutefois quitter leur banc, montraient des prunelles effarées. En un clin d'œil jeté autour de lui, l'abbé Kerbiriou saisit ce qui se passait. Il comprit que la présence de l'homme du Cap de la Chèvre, en cet instant critique, jetait le trouble dans les esprits, que la superstition, plus forte que le dévouement, que la conscience du devoir, abattait dans tous les cœurs sa vague et lâche épouvante. La minute était terrible, le temps compté pour le malheureux bateau en détresse au Toulingué. Avec sa décision sûre et rapide des moments difficiles, le recteur envisagea toutes les effroyables conséquences de ce flottement d'âme terrifiée. Surmontant les dernières répulsions qui pouvaient encore subsister au fond de son cœur, et plongeant ses prunelles noires dans les yeux clairs de Gualen, il domina de sa voix puissante les rumeurs courant de groupe en groupe. « Nedelec Gualen, tu assures que tu peux nous conduire ?» Sur ta part de paradis, tu en prendrais l'engagement ? Le reboutou affirma. Sur mon salut éternel, quand j'ai quitté le service, j'étais second maître, et mon commandant me choisissait toujours pour les missions périlleuses. Si on veut de moi ? Le prêtre ne le laissa pas achever. Allons, embarque, mets-toi là. Tu es pour aujourd'hui le patron à bord. Nous tous, moi le premier, promettons d'obéir à tout ce que tu commanderas. » Lentement, sans manifester aucune émotion, le vieillard, après avoir revêtu le costume de sauvetage et le suroi comme les autres, alla s'asseoir à la place désignée. Une lumière éclaira ses traits usés, les rajeunissant, tandis que, ayant saisi la barre d'un poignet encore robuste et se dressant à demi, il se croisait la face d'un large signe de croix. Tous l'imitèrent, immédiatement domptés, repris de confiance en celui qui les avait, un instant, fait trembler. L'abbé Kerbiriou, les ayant bénis de sa droite étendue, dit « Le Seigneur nous est en sa sainte garde !» L'intonation de Gualen se fit plus rude, d'une énergie inconnue quand il jeta le premier ordre. « Démarrez !» Le bateau s'éloigna de quelques mètres, poussé par l'un des rameurs armé de son aviron qu'il avait appuyé au galet de la côte, et se balança prenant son équilibre. Le long de la jetée, les femmes se pressaient, diversement remuées par cette scène qui empruntait un extraordinaire caractère de hauteur tragique à la lividité accrue du ciel, au drame qui se passait en ce moment au Toulinguet. Tante Rosalie, le cœur battant d'émotion, s'exclama, des larmes plein les yeux, « Notre recteur est vraiment un saint, c'est l'homme de Dieu !» Mieux que tout autre, elle comprenait ce qui avait dû se passer dans l'âme du prêtre durant ces quelques minutes, et elle sentait redoubler pour lui l'admiration profonde qu'elle avait toujours ressentie. Mais la voix de Nédélec, de plus en plus vigoureuse, faisait « Avant partout !» Et bien que le bateau fût déjà assez loin, les commandements arrivaient encore, se succédant, précis. « Souquez, les garçons !» Puis, montrant que l'ancien marin renaissait tout entier dans le vieillard et qu'un sang plus vif courait dans ses veines, au fur et à mesure que la mer le reprenait, le ressaisissait peu à peu, se détachèrent toujours distincts les mots « Souquez les blancs, souquez les verts !» Les avirons blancs, les avirons verts se dressaient, retombaient, battant l'eau d'une telle cadence, d'une vigueur si soutenue que, très peu de temps après avoir été mis à l'eau, le bateau doublait le phare de Camaret et, ses deux petites voiles carrées hissées au mât rapidement plantées, se dirigeait d'un vol assuré vers la pointe du Grand Gouin. Ce fut chez les femmes restées seules un cri unanime. Ce serait tonton Corentin en personne avec son équipe que ça n'irait pas mieux. Tante Rosalie, clignant un peu ses yeux gris-bleus aux lueurs réfléchies, résonna. Avais-je donc tort de le défendre quand tous l'attaquaient, ce reboutou ?